LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Luciano, ministre des Affaires étrangères italien, est arrivé dans la capitale pour y signer le pacte de Berlin qui réunit l'Allemagne, l'Italie et le Japon en un bloc décisif. Le Japon reconnaît à l'Allemagne et à l'Italie le droit de réorganiser l'Europe, alors que ces deux pays reconnaissent au Japon le droit de direction dans les régions asiatiques de l'Extrême-Orient. Actualité française, 27 septembre 1940. Ce pacte constitue un bloc de 250 millions d'âmes qui est destiné au rétablissement de la paix mondiale. L'hiver 43, sur tous les fronts. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Thomas Duterre. Les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon. Deux ans après la signature en grande pompe du pacte tripartite, destinée à assurer une défense commune aux forces de l'Axe, l'alliance de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon s'est un peu fissurée. L'Allemagne n'a pas daigné avertir le Japon de l'opération Barbarossa en Union soviétique, et l'Italie, elle, a tergiversé avant de se lancer dans la guerre alors qu'elle s'y était engagée auprès des nazis. À l'hiver 43, le Japon et l'Allemagne nazie connaissent leur première défaite majeure, les uns dans le Pacifique à Guadalcanal, les autres sur le front de l'Est à Stalingrad. Quant à l'armée italienne, ses faiblesses évidentes l'ont déjà reléguée à un rang subalterne. De plus en plus inquiet face à la situation à Stalingrad, les nazis et Joseph Goebbels, en tout premier lieu, s'agacent fortement du manque d'engagement des fascistes dans cette guerre qui commence à s'embourber. Pendant longtemps, jusqu'en 37-38, Mussolini a vraiment été le modèle de Hitler et des mouvements fascistes en Europe pendant des années. La relation se resserre avec la guerre d'Espagne et au moment de la naissance de l'Axe. Marie-Anne Matar Bonucci, spécialiste du fascisme. En 1942, Mussolini a beaucoup à attendre de Hitler, car l'Italie est affaiblie. Elle a été très affaiblie par la guerre d'Éthiopie et a fortiori par la guerre d'Espagne. Elle n'a plus les moyens d'entrer en guerre. Et donc le pari de Mussolini est celui de la guerre parallèle, c'est-à-dire tirer profit de la puissance militaire, de la puissance de feu allemande, pour réaliser ses propres desseins géopolitiques dans une partie des Balkans et sur le pourtour de la Méditerranée par la suite. Il y a enfin, chez Mussolini et une partie des hiérarques fascistes, la certitude que l'Europe est divisée en deux blocs. Il y a les démocraties d'un côté et les puissances fascistes de l'autre, et que donc il y a une communauté d'intérêts qui est aussi idéologique. Mais si on comprend effectivement, Marianne Matar Bonucci, l'intérêt de Mussolini pour rentrer dans cette guerre, enfin l'intérêt contraint aussi, hein, manifestement, qu'est-ce que Hitler pouvait attendre de l'Italie fasciste ? Alors pour Hitler, j'ai envie de dire qu'il y a une forme de tendresse de Hitler pour Mussolini, qui, comme je l'ai expliqué, a longtemps été son modèle. Pendant la guerre, à un moment donné, Hitler dira à Mussolini qu'il est son seul ami, hein, et en l'occurrence, bon, il y a une réelle relation d'amitié entre les deux dictateurs. Il y a bien évidemment ensuite une relation d'intérêt. Hitler a besoin de partenaires. Au début de la guerre, les Allemands sous-estiment l'état d'impréparation de l'armée italienne, et donc ils pensent que les Italiens pourront être une force, peut-être force d'appoint, mais une force utile dans le contexte de la guerre. Pour ces raisons-là, Hitler a effectivement intérêt à garder cette alliance donc avec Mussolini. 23 janvier 1943, journal de Joseph Goebbels. Le Führer m'explique toute l'évolution sur le front de l'Est. Elle découle essentiellement de la défaillance totale de nos alliés. Ils n'ont tout simplement pas voulu combattre et au premier assaut des Russes, dès qu'ils ont vu surgir un char, ils ont pris la fuite en abandonnant leurs armes ou se sont rendus. La volonté de combattre était tout bonnement absente. Les Hongrois n'ont pensé qu'au futur différend territorial qui les opposerait aux Roumains et réciproquement. Les Italiens se sont conduits exactement comme en Afrique du Nord. Si l'on voulait dresser un classement de la valeur au combat, on pourrait dire « Les Roumains sont mauvais, les Italiens sont pires, et les plus mauvais, sans commune mesure, ce sont les Hongrois. » Ils ont par exemple abandonné tout l'armement d'une division blindée et ont pris la fuite. Espérant rentrer à Budapest, une partie a même pris d'assaut les trains vides chargés du rapatriement des blessés. On a dû intervenir sabre au clair pour les empêcher de déclencher la panique. Ja, das ist eine erstaunliche Geschichte, dass Johannes Hürter, de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. Militärisch auch verachtet und ihnen. C'est une histoire étonnante. Les nazis ont beaucoup de mépris pour leurs alliés, mais en même temps, ils leur font jouer un rôle militaire très important. Cela se voit très bien dans la catastrophe de Stalingrad. Ils méprisent les forces armées roumaines, mais ils les utilisent tout de même pour protéger les flancs de l'armée allemande à Stalingrad. Cela paraît incompréhensible, mais cela montre que les forces allemandes étaient si tendues à l'hiver 42 qu'ils étaient obligés de s'appuyer sur les armées alliées pour assurer la protection du front dans la région de Stalingrad. Il y avait les armées roumaines dont tout le monde sait maintenant qu'elles étaient très faibles militairement et cela les a conduits à un désastre. C'est la même chose avec les forces armées hongroises et italiennes qui sont déployées sur le front de l'Est et sont également méprisées par les Allemands en raison de leur faiblesse militaire. Und das führt dann ja auch mit zur Katastrophe und dasselbe kann man über die ungarischen und die italienischen Streitkräfte sagen. Mit Japan ist es etwas anderes, da ist es aber auch merkwürdig. Auf der einen Seite war Japan ein asiatischer Staat und die Japaner waren Asiaten. C'est différent avec le Japon. C'est étrange d'ailleurs. Le Japon était un État asiatique et les Japonais étaient asiatiques, c'est-à-dire que dans l'idéologie raciale des nationaux socialistes, ils étaient vraiment au bas de l'échelle. Pourtant, il y avait un véritable culte du Japon dans l'Allemagne nazie. Bien que le Japon soit un État asiatique, il était très très respecté. Et surtout respecté militairement. Les Japonais, qui n'étaient ni des peuples germaniques, ni des peuples ariens, ont été les seuls alliés que les nazis ont respectés militairement pendant la Seconde Guerre mondiale. À quoi finalement va servir le Japon dans cette guerre pour les forces de l'Axe ? On a le sentiment que c'est une alliance idéologique, solide, de trois nations qui ont réuni là leurs intérêts, mais quand on regarde les choses un petit peu plus en détail, ça a été montré par de nombreux historiens. Michael Lucken, spécialiste du Japon. Il y a eu un jeu de dupes considérable, et on se rend compte que les Japonais ont, d'une certaine manière, rien compris à ce qui se passait, en particulier dans les liens entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Je trouve un des facteurs qui montre que, d'une certaine manière, le Japon, qui était une monarchie, donc un système qui n'était pas du tout celui de l'Allemagne nazie ou de l'Italie fasciste, s'est allié avec des partenaires qui, d'une certaine manière, étaient contre nature. Outre les trois pays signataires du pacte tripartite en septembre 40, Allemagne, Italie, Japon, une pléiade d'États satellites vont rejoindre les forces de l'Axe dans les mois qui suivent. La Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Yougoslavie et un peu plus tard, l'État indépendant de Croatie. La Yougoslavie change d'avis rapidement et sera envahie par les Allemands et leurs alliés 2 semaines après la signature de l'accord. En ce qui concerne la Hongrie, les relations entre l'amiral Horthy et Hitler se dégradent assez vite. La Hongrie mène une sorte de double jeu depuis déjà 1933. Catherine Aurel, spécialiste de l'Europe centrale. La Hongrie se considère comme l'Allemagne lésée par les traités de paix de 1918-19. Et à partir du moment où le fascisme s'impose en Italie et en Allemagne, et que ces deux pays sont eux-mêmes des pays qui revendiquent des réparations de frontières, du révisionnisme de la Première Guerre mondiale, la Hongrie penche progressivement vers l'Italie et l'Allemagne en se disant « nous allons nous allier aux deux pays qui ont eux-mêmes des revendications vis-à-vis des traités de paix, et ce sont des pays qui vont nous aider à réaliser nos buts révisionnistes ». Quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, avec un programme clairement révisionniste, les Hongrois vont essayer d'avoir, pour parler vulgairement, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est-à-dire, ils vont se dire, nous allons essayer d'obtenir de l'Allemagne, qui a le vent en poupe en Europe et qui a cet agenda révisionniste, nos buts révisionnistes, mais surtout, nous n'allons pas nous salir les mains en devenant des nazis. Nous voulons nous appuyer sur l'Allemagne, mais nous n'allons pas nous mêler des éventuelles agressions que l'Allemagne envisage vers les pays voisins. La Hongrie fait partie de l'axe, mais elle ne veut pas entrer en guerre. De la part d'Hitler, il y a finalement une revendication qui, quelque part, est légitime. C'est-à-dire, vous avez signé un accord et je vous demande de participer à l'effort de guerre et vous ne voulez pas. Donc, si vous lisez le journal de Goebbels, vous verrez toutes les diatribes de Goebbels contre la Hongrie. Et il y a une rhétorique anti-madiare, anti-hongroise de la part de Goebbels qui montre bien en creux à quel point la Hongrie, en quelque sorte, est un allié plus qu'incommode pour les Allemands. Jusqu'à ce qu'effectivement, ils finissent par la forcer à entrer en guerre, et ce qui provoque une crise majeure au sein du gouvernement hongrois, à tel point que le Premier ministre se suicide. Le 23 janvier 1943, Joseph Goebbels. Peu fiables, les Hongrois eux aussi ne valent pas la corde pour les pendre. Ils ne pensent qu'à la future discussion qui les opposera aux Roumains, sans s'apercevoir que si nous perdions la guerre, cette même discussion n'aura plus lieu d'être et qu'ils auraient alors à affronter le bolchevisme dans des conditions quasi désespérées. Pour ce qui est de la Roumanie, le Führer est déjà intervenu pour qu'une trahison soit impossible, en envoyant sur place le contingent nécessaire. De ce côté, nous sommes donc à peu près en sécurité, d'autant que le Sud-Est est la région qui conviendrait le mieux à une invasion anglo-américaine et que nous ne devons la perdre en aucun cas. La Roumanie est essentielle à notre conduite de la guerre, car elle renferme nos réserves en pétrole. Certains milieux roumains aimeraient quitter le plus tôt possible notre coalition. Du temps où les victoires se succédaient, tous étaient de bon cœur avec nous. Les mêmes, alors que surviennent désormais revers et défaites, le sont à contre-cœur. Le Führer a parlé sérieusement aux Roumains, qui savent désormais à quoi s'en tenir et qui peuvent s'imaginer ce qui les attend s'ils font des âneries. Comme je l'ai déjà révélé, le Führer accorde une grande importance à ce que l'histoire retienne la conduite indigne de nos alliés sur le plan militaire. C'est pourquoi il fait rassembler tous les documents nécessaires à la recherche historique. Si ces documents venaient un jour à être publiés, c'en serait fini de l'honneur militaire autant de l'Italie que de la Roumanie, et surtout de la Hongrie. Au cœur de l'axe, l'Allemagne nazie. Pour comprendre comment le Troisième Reich a vécu cet hiver 43, nous nous sommes rendus à Munich, Hauptstadt der Bewegung, la capitale du mouvement, comme l'avait baptisé Hitler en 1935. Munich, c'est le berceau du nazisme. La ville du putsch raté d'Hitler en 1923, le camp de Dachau à quelques kilomètres. C'est un décor à ciel ouvert pour la mise en scène du pouvoir nazi, qui s'est approprié les lieux symboliques du royaume de Bavière. Un décor encore visible aujourd'hui, puisqu'après avoir été détruite lors des bombardements des Alliés, Munich a été reconstruite à l'identique. München ist wahrscheinlich neben Berlin die deutsche Großstadt, in der nationalsozialistische Stadtgestaltung und Architektur am sichtbarsten ist. Johannes Hürter für de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. Und es gab diese berühmten Kultstätten des Nationalsozialismus. Après Berlin, Munich est probablement la principale ville allemande où l'architecture nazie est la plus visible pour tous les citoyens. Il y avait ces célèbres lieux de culte du national-socialisme et ils existent toujours aujourd'hui. Il y a la Königsplatz qui est en fait un magnifique ensemble de bâtiments classiques du début du 19e siècle, construit sous Ludwig Ier. Et les nazis se le sont appropriés à leur propre gloire. C'est sur cette place que se déroulaient les manifestations nazies et les processions aux flambeaux. Il y avait aussi la Maison Brune à Munich, le siège du parti. Tous ces bâtiments sont encore visibles aujourd'hui et constituent un patrimoine. Et à Munich, vous devez encore faire face à ce patrimoine aujourd'hui, y compris en termes d'urbanisme. C'est très difficile, mais c'est aussi une responsabilité. Hier muss man natürlich immer unterscheiden, wo die deutsche Bevölkerung lebt, ob auf dem Land oder in der Großstadt, wie hier zum Beispiel in München. Il faut toujours différencier où vit la population allemande, que ce soit à la campagne ou dans les grandes villes, comme ici à Munich par exemple. Pour les grandes villes comme Munich, la population urbaine était principalement composée de femmes, de personnes âgées et de travailleurs forcés. Il s'agit donc en fait des trois groupes de population les plus importants, tandis que les enfants avaient pour la plupart été envoyés à la campagne pour les sauver de la guerre et des bombardements. Les hommes, eux, étaient en première ligne sur le front. Il s'agit donc d'une société différente de la société de paix. Il y a l'absence d'hommes et d'enfants. En d'autres termes, une situation de vie complètement différente. Il y a également des restrictions de nourriture, du charbon, de vêtements et d'autres produits, parfois même des produits de luxe. Es gibt Lebensmittelrationalisierungen, es gibt Rationalisierungen von Kohle. Mais cela devient de plus en plus évident à mesure que dure la guerre. Et encore plus quand arrivent les bombardements. Das macht sich immer mehr. Ce qui est vraiment frappant à Munich, c'était vraiment la présence de 100 000 travailleurs forcés. C'est beaucoup. Il y avait une importante industrie de l'armement à Munich. BMW était le plus grand fabricant de moteurs, par exemple. Un grand nombre de travailleurs forcés étaient employés et utilisés à la vue de tous. Outre les travailleurs forcés, il y avait aussi les prisonniers de Dachau, dont certains étaient utilisés pour déblayer les bombes aériennes et étaient souvent tués au cours du processus. Tout était donc visible. Tout était visible, il faut le dire. Bien entendu, cela façonne également la société. La disparition des Juifs de Munich était aussi un crime visible. La population de la ville savait tout cela et cela faisait partie de la vie quotidienne. En 1943, la population préfère encore suivre le régime ou attendre la fin en sachant que effectivement, Barbara Lambauer, historienne. Le régime est très bien instauré avec l'organisation jusqu'aux plus petites unités de la société, c'est-à-dire que les résidences ou les cités, qu'il y a des personnes qui surveillent, il y a des personnes qui observent. Et donc, une résistance, comme on la voit dans d'autres pays, ne peut pas exister en Allemagne. Et puis, n'oublions pas, dans d'autres pays, la résistance contre le nazisme est plus facile, c'est-à-dire que c'est aussi une résistance contre l'envahisseur, contre quelqu'un qui est arrivé dans un pays qui n'est pas le sien, pour le diriger ou pour le contrôler, et où il s'agit notamment surtout de libérer la nation. Or, en Allemagne, c'est vraiment pour la démocratie, pour la liberté, et du coup, contre certains concitoyens, tout simplement. Et donc ça, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. Wir sind in der Ludwig-Maximilians-Universität, also im Zentrum Münchens. Nous sommes à l'université Ludwig Maximilians, en plein cœur de Munich. L'université entretient des liens essentiels avec la résistance de la Rose Blanche, puisque les 6 étudiants du groupe de résistance de la Rose Blanche, ainsi que le professeur Huber, ont étudié et enseigné ici. Hildegard Kronawitter, Fondation de la Rose Blanche, à Munich. In diesem Lichthof sind am 18. Februar 1943 Flugblätter der Weißen Rose geflattert. C'est ici que le 18 février 1943, Hans et Sophie Scholl ont distribué leur 6e tract, leur dernier. Ils les ont déposés dans les amphithéâtres de l'université, mais il en restait une petite pile. Et Sophie a décidé de les lancer depuis les coursives au 2e étage. Et tous les tracts se sont mis à voler pour atterrir au sol, dans le hall où nous nous trouvons. À ce moment-là, Haus Schlosser, un employé de l'université, les a vus, s'est précipité à l'étage et les a arrêtés. Tract de la Rose Blanche lancé par Sophie Scholl en février 1943. La défaite de Stalingrad a jeté notre peuple dans la stupeur. La vie de 300 000 Allemands, voilà ce qu'a coûté la stratégie géniale de ce soldat de deuxième classe promu général des armées. Führer, nous te remercions. Le peuple allemand s'inquiète. Allons-nous continuer de confier le sort de nos troupes à un dilettante ? Allons-nous sacrifier les dernières forces vives du pays au plus bas instinct d'hégémonie d'une clique d'hommes de parti ? Jamais plus. Allemands, voulez-vous subir et imposer à vos enfants l'horrible sort des Juifs ? Les mêmes juges qui châtiront vos maîtres vous sommeront-ils de rendre compte ? Et faudra-t-il pour vous, comme pour eux, appliquer la même loi ? Serons-nous, pour toujours, le peuple haï de tous, exclu du monde ? Non. Une nouvelle guerre de libération commence. Les meilleurs combattants à nos côtés, décidez-vous avant qu'il soit trop tard. Bérézina et Stalingrad flambent à l'est. Les morts de Stalingrad nous implorent. Aidez les mouvements de résistance, distribuez les tracts. Am 18. erfolgte die Verhaftung des Geschwisterpaars hier in der Uni. Sie wurden anschließend in das Gestapo. Le 18 février, le frère et la sœur Scholl ont été arrêtés à l'université. Ils ont ensuite été emmenés au siège de la Gestapo à Munich. Ils y ont été interrogés et le procès intenté par le tribunal populaire a eu lieu 4 jours plus tard. Cela était tout à fait inhabituel pour l'époque et montre qu'il était important pour le régime de riposter rapidement et sévèrement. Ich eröffne die Verhandlung des ersten Senats des Volksgerichtshofs gegen Hans Fritz Scholl und Sophia Magdalena Scholl aus München sowie Christoph Hermann Probst aus Altranz wegen Hochverrats, Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung. Sophia Scholl. Es war dann ein Schauprozess mit viel Publikum im Münchner Justizpalast, aber das Publikum war ausgewählt nach militärischer Zugehörigkeit. Il s'agissait d'un simulacre de procès devant un large public au Palais de Justice de Munich. Le public avait été sélectionné en fonction de leur appartenance au parti. Il en a résulté la condamnation à mort pour tous les inculpés. En fait, c'était déjà évident auparavant. Mais ce qui est vraiment inhabituel, c'est que les résistants ont été exécutés le jour même. La condamnation à mort du 22 février a été exécutée immédiatement, à Munich, dans la prison de Stadelheim. Sophie Scholl avait 21 ans, son frère 23 ans. Leutnant von Witzland, Sturmpionierbataillon 336, 2. Kompanie, 1. Zug. Willkommen in Stalingrad. 23 janvier 43, Joseph Goebbels. Darf ich vorstellen? Tout l'entretien avec le Führer se déroule sous des auspices dramatiques. Car à chaque instant tombe une nouvelle de Stalingrad qui confère à ma présentation la dureté et le rythme nécessaires. Je n'ai plus la moindre raison de m'entourer de précautions. Le Führer est tellement sous le coup des événements qu'une revendication radicale le remontera plus qu'elle ne l'abattra. Je vois la main du destin dans le fait que mon entretien avec le Führer ait lieu cette même journée. Stalingrad doit être à l'origine d'un tournant historique. C'est pour cette raison que j'engage le Führer à donner enfin son accord à une politique d'information plus directe, plus franche. Sur ce point, je parviens à le faire changer d'avis. Dès que les choses pourront être considérées comme définitivement perdues à Stalingrad, il veut révéler toute la vérité et appeler le peuple allemand à un deuil national de 8 jours. Pendant ces 8 jours, théâtre et cinéma devront être fermés. Et la nation tout entière sera invitée à mobiliser toutes ses forces. Si nous lançons cet appel à la nation, je suis persuadé qu'elle le suivra totalement. Für die deutsche Bevölkerung war die Niederlage von Stalingrad natürlich ein Schock zum ersten Mal überhaupt im Verlauf des Krieges. Johannes Hürter. Wurde eine ganze deutsche Armee, also das heißt 200.000 Pour la population allemande, la défaite de Stalingrad a bien sûr été un choc. Pour la première fois au cours de la guerre, une armée allemande entière, soit 200 000 soldats, a été encerclée par l'ennemi. Ça, c'était déjà un choc. Qu'une grande armée allemande soit dans une telle détresse. Et la défaite a été, bien entendu, encore plus choquante. Cela n'a laissé personne indifférent. Et l'effet psychologique de la défaite de Stalingrad a été bien supérieur à l'importance militaire réelle, qui était également importante, mais ne constituait qu'une étape, pour ainsi dire, sur la voie de la défaite. La défaite face à Moscou était déjà une défaite majeure. Celle de l'Afrique du Nord aussi. Et il y a eu Stalingrad. L'effet psychologique était encore plus important et plus significatif que l'importance militaire. Quels ont été les effets de ce choc psychologique? Un défaitisme, peut-être une distanciation plus grande avec l'idéologie nazie, ou en tout cas le but de conquête visé par Hitler? Das ist eine sehr interessante Frage, denn man kann sehen, dass dieser psychologische Schock nicht unbedingt dazu geführt hat, dass man in Distanz und Abstand zum Regime ging. C'est une question très intéressante, car on peut constater que ce choc psychologique n'a pas forcément entraîné une distance vis-à-vis du régime. On se rendait compte que la guerre prenait une tournure défavorable. Mais l'idée générale, c'était « nous sommes tous dans le même bateau », notamment parce que de nombreux crimes ont été commis. Il s'agissait maintenant d'être ou de ne pas être le peuple allemand, comme on disait à l'époque. Parce que si on perdait, si on capitulait, ce serait terrible. La punition serait terrible. Un tribunal viendrait demander des comptes à l'Allemagne pour les crimes commis, et c'était ça le sentiment à l'époque. Et bien sûr, il faut toujours garder une chose à l'esprit. Le régime a réagi à ce choc psychologique à la fois en développant l'appareil de propagande et en augmentant l'appareil de répression. C'est-à-dire, la propagande et la répression étaient les deux réponses du régime à cette défaite psychologique. Et cela, bien sûr, a un effet. La propagande a mobilisé la population allemande et la répression aussi. C'est pour les Allemands aussi le signe très fort que, effectivement, la victoire est tout sauf garantie. Barbara Lambauer, historienne. Et cela est confirmé début février par Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, et qui proclame dans un discours qui est devenu très célèbre, en fait, à partir du Sportpalast, la guerre totale, à savoir, guerre totale, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que vraiment tout potentiel, toute force, tout bras qui peut travailler doit s'engager désormais dans l'effort de guerre. Il y a des infrastructures qui sont fermées, il y a des restaurants, des cafés qui sont fermés dans les semaines qui suivent pour libérer de la main-d'œuvre ou surtout des soldats. Février 43, Berlin, discours du Sportpalast de Joseph Goebbels. Die Rede war sehr gut vorbereitet und eigentlich schon Wochen und Monate lang vorbereitet. Le discours était très bien préparé depuis des semaines et des mois. Il voulait avant tout faire savoir à la population qu'une nouvelle phase de la guerre commençait. Denn es war ja vorher die nationalsozialistische Kriegspolitik. Car avant Stalingrad, contrairement à la Première Guerre mondiale, la population allemande se portait encore relativement bien pendant la guerre. Et elle était encore relativement peu touchée par les restrictions. C'est pour cela que la moitié de l'Europe a été pillée et exploitée, afin que les Allemands vivent dans de bonnes conditions, qu'ils soient bien nourris et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être engagés dans une guerre existentielle. Après Stalingrad, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et c'est ce que Goebbels voulait transmettre. À partir de maintenant, nous devons également faire des sacrifices chez nous, dans notre patrie, des sacrifices bien plus importants qu'auparavant. Maintenant, il s'agit vraiment de ce que les nazis ont toujours dit dans leur propagande : être ou ne pas être. 19 février 1943, Joseph Goebbels. L'après-midi à 5 heures a lieu la manifestation tant attendue au Sportpalast. L'affluence est impressionnante. Dès 16h30, le Sportpalast complet doit être interdit d'accès. L'ambiance rappelle la fureur sauvage du peuple. Le public appartient à toutes les couches, du gouvernement jusqu'à l'obscur ouvrier des arsenaux. Mon discours laisse l'impression la plus profonde. Dès les premières phrases, il est interrompu par des tempêtes d'applaudissements. La réaction du public est à peine descriptible. Jamais le Sportpalast n'a connu de scène aussi agitée qu'à la fin de la manifestation, quand j'ai posé au public mes 10 questions. Le public répond alors avec un tonnerre d'approbation. Je crois que cette manifestation fera grande impression, non seulement sur le Reich, mais aussi sur les pays neutres et même sur le camp ennemi. Les Berlinois sont le public le plus politique que nous ayons actuellement dans le Reich. Sont présents presque tous les membres du gouvernement, de nombreux Reichsleiter et Gauleiter, et presque tous les secrétaires d'État. Pour tout dire, l'Assemblée représente un échantillon de tout le peuple allemand. Je pense que je suis en grande forme oratoire. Je mets la salle dans un état qui s'apparente sur le plan spirituel à une mobilisation totale. La manifestation se termine dans un tohu-bohu frénétique. Je crois que le Sportpalast n'a encore jamais connu, pas même lors de nos périodes de lutte, de telles scènes. Le peuple est prêt, et cette manifestation le confirme, à tout sacrifier pour la guerre et la victoire. Nous n'avons qu'à mettre la main à la pâte. Si nous ne le faisons pas, cette bonne volonté risque, comme je l'ai maintes fois répété, de se transformer en ressentiment. Mais je veillerai à ce que la guerre totale ne reste pas seulement sur le papier. En fait, dans ce discours du Sportpalast, ce qui importe, qui est vraiment le message central, c'est qu'il en va de la vie ou de la mort, non pas du régime nazi, mais du peuple allemand tout entier. C'est ainsi que toute la population doit absolument s'investir et doit porter et donner les dernières forces pour sauver le régime. Et c'est donc clairement un message de radicalisation de la situation. Et c'est aussi un message de radicalisation contre les ennemis. Barbara Lambauer, C'est l'heure où Mussolini, par exemple, exerce une pression sur Hitler pour signer un armistice avec l'Union soviétique, où des gouvernements alliés prennent des contacts avec des alliés. C'est un moment où aussi en Allemagne, on se demande comment terminer au plus vite une guerre qui visiblement ne peut pas être vaincue telle que s'imaginait les responsables du régime. Et le régime mise maintenant vraiment sur un clivage de plus en plus profond entre nous et les autres, entre nous et nos ennemis. Et dans ce sens, enfin, il s'agit donc vraiment bien de définir l'ennemi et aussi de dire que si jamais l'ennemi l'emporte, ça sera notre fin, il va nous détruire, en fait. C'est-à-dire de projeter sur l'ennemi tout ce que, en gros, si on regarde bien, les Allemands ont fait... justement à ceux qu'ils avaient proclamé être leurs ennemis. Donc d'un coup, ça pourrait retomber sur la nation allemande et toucher l'Allemagne tout entière et avec sa population. En Italie, malgré la signature du pacte tripartite, Mussolini hésite avant de s'engager militairement dans la guerre. En juin 40, alors que la France est à genoux, il profite des avancées de l'Allemagne pour lancer une offensive dans le sud de la France. Les fascistes développent le concept d'une guerre parallèle qui servirait leur politique expansionniste en Afrique du Nord en tentant de ravir leurs colonies aux Français et aux Britanniques. L'offensive tourne au fiasco. À l'hiver 43, la guerre parallèle est devenue une guerre subalterne et les forces italiennes ne sont plus que les auxiliaires des Allemands sur des fronts secondaires. Et cela n'est pas sans conséquences pour le Duce. Marianne Matar-Bonucci, vous êtes historienne spécialiste du fascisme. Est-ce que vous pourriez nous décrire la situation de l'Italie lors de cet hiver 42-43 ? L'Italie est dans une situation paradoxale en 1942-43, comme elle l'est au début de la guerre, puisque c'est un régime qui n'a pas cessé de rêver de guerre, de se préparer à la guerre, et qui se trouve dans une situation extrêmement difficile, avec, au fond, une construction politique qui se lézarde du fait de la guerre. Mussolini a hésité avant d'entrer en guerre parce que l'Italie n'était absolument pas prête. Et donc après une période de non-belligérance, en juin 1940, il déclenche donc une offensive contre la France qui lui rapporte bien peu, quelques territoires donc dans l'est de la France, mais c'est la première occupation. Et peu après, il va se lancer à l'assaut de la Grèce, sans avoir d'ailleurs prévenu son partenaire de l'Axe. Et donc, en 1941-1942, l'Italie occupe une partie de l'Europe, essentiellement dans les Balkans, en Grèce et en Yougoslavie. À partir de novembre 1942, les Italiens s'emparent de 8 départements du sud-est de la France qu'ils vont conserver donc jusqu'en septembre 1943. Par ailleurs, l'Italie s'est engagée sur d'autres théâtres d'opérations, en particulier bien sûr en Afrique du Nord puisqu'il y a une colonie italienne qui se trouve en Libye, et l'année 1942 de ce point de vue-là marque un revers très important puisque la deuxième bataille d'El Alamein est déclenchée en octobre 1942 et va se traduire donc par une série de défaites des forces de l'Axe et donc un recul jusqu'au départ des Italiens de Libye. Par ailleurs, les Italiens qui avaient conquis l'Éthiopie à l'issue de la guerre de 1935-1936 doivent l'abandonner donc au début de l'année 1941. Enfin, Mussolini a envoyé aussi des troupes sur le front russe, qui vont connaître là encore des défaites et des revers très importants. En particulier, toute une partie des régiments vont être décimés. Et donc la situation, je dirais, est désastreuse à peu près sur tous les fronts, sauf peut-être en France, où les Italiens parviennent à tenir tête aux Allemands comme force d'occupation, notamment pour s'opposer à la déportation des Juifs, donc jusqu'en septembre 1943. 8 janvier 1943, journal du comte Ciano, ministre des Affaires étrangères et gendre de Mussolini. Je revois Mussolini au bout de 3 jours et je trouve que son état a encore empiré. Il paraît que ces derniers jours, Frugoni lui aussi s'est montré inquiet. À mon avis de profane, ce qui affecte le plus la santé du Duce, ce sont les préoccupations que lui cause la situation. Il porte dans son cœur la douleur de l'abandon de Tripoli et il en souffre. Comme de coutume, il est déchaîné contre les militaires qui ne font pas la guerre avec la fureur des fanatiques, mais au contraire avec l'indifférence des professionnels. Bien évidemment, la propagande camoufle autant que faire se peut les revers et les défaites, mais c'est possible jusqu'à un certain point. Je prends l'exemple de ce qui se passe en Afrique du Nord. À partir du moment où les fascistes sont chassés, les Italiens sont chassés de Libye, il y a des réfugiés italiens, des colons, qui vont fuir pour regagner la Sicile et l'Italie. Et donc, les nouvelles se répandent de ce fait-là. Marianne Matarbonucci, spécialiste du fascisme. Les familles ont aussi quand même des informations sur ce qui se passe sur le front russe. Hein, donc, en dépit donc, de la censure, de l'intox et de la propagande, des informations filtrent effectivement sur cette situation-là. Mais je dirais qu'au-delà peut-être des nouvelles qui dépriment, c'est la situation intérieure qui va contribuer largement à ce que Mussolini soit peu à peu lâché donc par la population. Un autre élément qui va contribuer à lézarder le front interne, ce sont bien sûr les bombardements qui sont de plus en plus massifs, qui commencent à devenir très importants en 1942, qui vont aller croissant, qui visent les principales villes, donc, et il se trouve que la population se sent très vulnérable face à ces bombardements, et donc bien souvent les gens préfèrent quitter les villes plutôt que d'être présents au moment des bombardements, parce qu'ils estiment donc n'être pas protégés, et ils imputent la responsabilité de cette vulnérabilité au gouvernement fasciste. Donc on se trouve encore une fois dans cette situation étonnante où on a un régime qui n'a pas cessé de parler de guerre, qui n'a pas cessé de vouloir entraîner la population à la perspective d'une guerre, et qui, lorsque la guerre totale arrive, eh bien, se trouve extrêmement démuni. 22 janvier 1943, journal du comte Ciano. Le Duce estime que le bulletin allemand d'aujourd'hui est le plus mauvais de toute la guerre. Et il l'est, en effet. Défaite à Stalingrad, retraite sur presque tout le front, chute prochaine de Tripoli. Il paraît que Rommel a manœuvré encore une fois de façon à sauver ses troupes en laissant dans l'embarras les forces italiennes. Mussolini en est très irrité et se promet de protester énergiquement auprès des Allemands. La chute de Tripoli l'affecte beaucoup, mais il n'est pas du tout convaincu qu'il ne sera pas possible de tenter une contre-manœuvre depuis la Tunisie pour la reprendre. Il continue ainsi à se bercer d'illusions bien dangereuses qui déforment la vision précise d'une réalité bien évidente pour tous à présent. Les vrais responsables de la création de ces paradis artificiels sont naturellement Cavallero et son entourage. Ce à quoi on assiste, et là Mussolini n'a plus aucune illusion là-dessus, autant ses généraux lui ont beaucoup menti quant à l'état d'impact préparation de l'armée pour ne pas l'inquiéter, autant les rapports des préfets sont très explicites et montrent bien que la population donc se détourne de plus en plus du régime. Alors cela le conduit d'ailleurs à tenir des propos très désabusés dans lesquels eh bien il explique que au fond Ce qui lui a manqué, c'est le matériau qu'il a voulu changer le peuple italien. Il a voulu fabriquer un homme nouveau, mais que le matériau était défectueux. Et il attribue à l'Église la responsabilité de cette défaite morale du peuple italien, puisque selon lui, eh bien, les Italiens ne seront pas parvenus à se déprendre de cet humanisme incorrigible dont il attribue la responsabilité à l'Église. Del giorno successivo, il nemico ha sorvolato la città di Messina con aerei susseguentisi in due ondate che hanno colpito il cuore dell'edificio della regione di Messina. Donc l'année 1942 est une année tournant et l'année 1943 est une année catastrophique pour le fascisme italien, puisqu'elle voit donc le débarquement des Alliés en Sicile le 9 juillet 1943 et la déposition de Mussolini par le Grand Conseil du fascisme, qui était l'organe suprême du régime, qui demandait à Mussolini de remettre la direction des opérations militaires entre les mains du roi. Et à la suite de cela, Mussolini est emprisonné. Donc, il sera libéré par les Allemands, dans des conditions assez rocambolesques, reconduit à Munich, et c'est de Munich qu'il va proclamer, donc en septembre 1943, sous pression de Hitler. Lui ne voulait pas au départ, il est extrêmement abattu. Il est en plus atteint par une maladie qui le ronge, donc il est dans un état physique assez délabré. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, il proclame la naissance d'une république qui va désormais gouverner le centre et le nord de l'Italie, c'est-à-dire les régions qui sont occupées donc par les Allemands, moins deux régions à l'est donc de la République sociale italienne, qui sont sous contrôle direct, donc sous administration directe de l'Allemagne. Salve au popolo d'eroi. Giovinezza, Hymne fasciste. Con la fe nell'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la visione della righieri, oggi brilla in tutti i cuori. Le Japon est engagé dans une guerre de conquête coloniale depuis la fin du 19e siècle. De Taïwan à la Corée, en passant par la Mandchourie. À la recherche d'alliances, afin de consolider sa place de grande puissance, il se rapproche dans les années 30 de l'Allemagne nazie. Ils ont en commun un rejet des démocraties américaines et britanniques et un goût marqué pour l'autoritarisme. Après des décennies de conquête et d'expansion, le Japon connaît ses premières défaites majeures au cours de l'année 42. Midway en juin, et Guadalcanal à l'hiver suivant. D'une certaine manière, si on se place du point de vue des populations japonaises, 1943 est presque plus important que 1945. C'est que jusqu'à 1943, ça reste des opérations extérieures, des opérations spéciales. Bien sûr, c'est déjà la guerre depuis 1941, fin 41, mais pour les populations, ça reste encore un triomphe, ça reste victorieux. Et les choses changent très brutalement à partir de 1943, et Guadalcanal, d'une certaine manière, en est le signe. Et c'est le début des années noires, c'est la hausse des morts de manière vertigineuse. Juste qu'on regarde le nombre des morts jusqu'à 1943, c'est assez linéaire et c'est pas énorme en fait. Bon, voilà, les armées ont des pertes. Puis à partir de 1943, là, ça explose. Justement, Michael Luquen, quelle est la situation, cette fois, dans le pays, durant cet hiver 1942-1943? Il y a évidemment des oppositions, tout le monde n'est pas d'accord, la pression elle est subie, les gens qui se taisent, ben parce que ils se taisent parce qu'on les a fait taire, et qui n'ont pas le choix, qui sont surveillés. Et donc, même s'il y a encore des voix dissidentes qui continuent de s'exprimer, non pas de façon publique, mais qui s'entendent de façon détournée, qu'on retrouve dans les lettres, qu'on retrouve dans les journaux, a posteriori, on voit que cette critique se teinte d'une inquiétude pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches, pour des enfants qui partent à la guerre. Donc, les voix critiques, qui étaient déjà très modestes, vont commencer à être de moins en moins audibles. Et 43, là, il y a quasiment une disparition de ces voix critiques. Pourquoi ? Parce que là, la population commence à voir que la situation tourne, que les bombardiers américains arrivent. Donc, les gens ont peur. Ils ont peur, là, physiquement. Enfin, ils comprennent que ça va mal tourner. Et donc, il y a une espèce de volonté de se serrer les coudes par peur. En tout cas, les voix dissidentes quasiment disparaissent après 43. On a le slogan « Travail, famille, patrie » en France. Est-ce qu'il y a des mots d'ordre comme ça, Michael Luquen, qui vous viennent à l'esprit concernant ce Japon ? Il y en a un en particulier qui émerge au cours de l'hiver 43. C'est « Uchiteshi Yamamu ». Ça veut dire « de combattre, jamais ne cesseront », une formule un peu archaïsante, pour préparer la population à résister, parce que le gouvernement voit bien que les choses tournent mal, que la population va donc devoir être mobilisée d'une manière ou d'une autre. Autre thème de la propagande, c'est l'unité totale du peuple. Ça, il y a un certain nombre de slogans autour de 100 millions de citoyens en armes, mais qui va exactement dans le même sens. Ou alors un autre slogan de l'époque, mais qui est légèrement antérieur en fait, qui était le Hakko Ichiyu, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent, on traduit par huit coins, un toit. Un toit, c'était le Japon, c'était l'empereur. Et puis huit coins, c'était tous les pays de l'Asie du Sud et de l'Asie de l'Est qui étaient appelés à se mettre sous le toit généreux de l'Empire japonais. Mais ça correspond à cette première phase du conflit où le Japon est encore triomphant, pense à développer son empire et optimiste dans la conduite de la guerre. Après, ça va s'étioler. This is it. Richard Tregaska's Guadalcanal Diary. The thrilling eyewitness story of the first of America's victories. Throbbing with all the human drama that made it great in Cosmopolitan magazine. Il y a un phénomène qui est intéressant, peut-être, s'agissant de 43. Certes, au niveau militaire, c'est au cours de l'hiver 42 qu'il y a, avec Guadalcanal, un basculement qui s'opère, mais c'est un peu plus tard que ça va avoir des répercussions pour la population japonaise, parce que le gouvernement, tout d'un coup, se dit, là, il faut mobiliser radicalement. Et qu'est-ce qui change ? En particulier, un culte qui existait déjà, mais qui là commence à être porté au paroxysme, un culte du martyr. Et on va, à partir notamment des défaites, une petite bataille à Attu, dans les Aléoutiennes, au nord du Japon, où une garnison entière est anéantie parce qu'elle résiste jusqu'au bout sans se rendre, une sorte de nouvelle doctrine militaire, militaro-propagandiste, se met en place, qui consiste à dire « un Japonais ne se rend pas, un Japonais se sacrifie ». D'abord, bien sûr, les soldats, mais vous aussi, citoyens, un jour, vous serez amenés à faire ce pas-là. C'est le début des kamikazes, c'est ça ? C'est le début de la logique kamikaze. Mars 1943, Joseph Goebbels. Je soulève la question de savoir s'il ne serait pas mieux d'avoir les Japonais comme alliés en Europe. Le Führer répond par la négative. Il dit que ce serait peut-être intéressant pour la guerre, mais pas pour la paix qui suivra. Car le Japon deviendrait ainsi un concurrent gênant pour la direction de l'Europe, ce qui ne sera jamais le cas de l'Italie. Est-ce qu'il y a un dialogue diplomatique constant avec l'Allemagne nazie pendant cette guerre, ou finalement l'éloignement géographique fait que c'est comme si c'était presque deux guerres parallèles qui se menaient, l'une en Europe, l'autre dans le Pacifique? Oui, la question est complexe. Il y a évidemment un dialogue. Il y a une présence diplomatique japonaise à Berlin, à Rome. Et les comptes rendus de ces échanges sont très présents dans les médias japonais. Mais je crois qu'il y a une espèce, là encore, de jeu de dupes. Hein. C'est-à-dire que par leur activité sur place, les Japonais, les diplomates japonais donnent l'impression au gouvernement japonais comme à la population via les médias qu'il y a une vraie cohésion, une communion de projets, en tout cas qu'il y a un vrai dialogue, qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que dans les faits, ça reste extrêmement superficiel. Je ne suis pas vraiment sûr, d'ailleurs, l'histoire le montre, que les Allemands, les partenaires, tenaient beaucoup compte des avis japonais. Là encore, il y a probablement une rémanence, et ce n'est pas très surprenant, d'un racisme. Ce n'est pas très surprenant venant du nazi qui est une forme de racisme à l'égard des Japonais. Merci à Marianne Matar-Bonucci, Johannes Hurter, Catherine Aurel, Barbara Lambauer, Hildegard Kronawitter et Michael Luken. Prise de son Nadège Antonini, Lucas Desrodes et Philippe Mercher. Mixage Manon Moussin. Lecture Samuel Glomé, Pierre-Benoît Varroclier et Anne Stephens. Traduction Nathalie Maupetit. Documentation Anne-Lise Signoret, Archivina Clary Monac, Attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, Coordination Perrine Kervran. Merci à André Abrille de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. C'était l'hiver 43 sur tous les fronts. Les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Thomas Duterre.